Donc bonsoir. Je vais parler un petit peu de l'ANR et beaucoup de l'Alliance des sciences de la vie dans les deux cas pour dire ce qui se passe de spécifique actuellement dans la restructuration de l'organisation des sciences de la vie qui, à mon avis, est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que je suis, chez les biologistes, assez minoritaire. Enfin, disons que je fais partie des rares qui sont très inquiets. Et je pense que ce qui est en train de se jouer là pour les sciences de la vie pourrait se jouer ensuite ailleurs. Et donc, même si c'est actuellement spécifique au SDV, je pense que ça vaut le coup de le regarder d'un peu plus près. Alors, brièvement sur l'ANR, dans les laboratoires de sciences de la vie, les laboratoires sont importants. Le fonctionnement en laboratoire est important et je pense qu'il y a sûrement d'autres exemples où il y a des différences de fonctionnement entre les disciplines. C'est important dans la mesure où il y a en SDV des moments où il faut prendre, il y a des besoins de prise de risque importants et quelqu'un va pouvoir, pour pouvoir prendre ce risque, il va ne pas publier pendant plusieurs années et c'était possible. Avant, dans des laboratoires où si le directeur de laboratoire faisait confiance à un chercheur, il disait « Vas-y, je te finance et tu publies pas pendant un certain temps. » Moi, ça m'est arrivé. Et maintenant, j'essaie d'en faire bénéficier d'autres. Ce truc-là disparaît à partir du moment où il y a cette déstructuration des laboratoires associée au fait que seules les équipes sont financées. Sauf dans les lieux où il y a une volonté commune de résistance, ce qui est possible, et où les gens disent, nous, un certain nombre d'équipes, on décide de fonctionner ensemble en mutualisant une partie de ce qu'on a comme financement pour en faire bénéficier des gens au même endroit qui n'ont pas de contrat. On peut y résister un peu, mais enfin, ça ne durera pas éternellement, d'une part. D'autre part, je pense que ça peut s'aggraver. Et à mon avis, ça s'aggravera. L'individualisation des équipes et des gens s'aggravera quand arriveront, et ça va arriver, au sein des contrats, des primes pour les chercheurs qui auront ces contrats. Et au même moment, autre élément de déstructuration, je pense, ou en tout cas de changement de structure important, il y a une augmentation de l'emploi précaire. Ça, c'est quelque chose qui est commun avec toutes les disciplines. Quelque chose qui est propre à la biologie, c'est que le fonctionnement actuel de l'ANR vise très clairement à orienter les recherches vers des applications médicales et pharmaceutiques. Ça, c'est dit clairement dans des disciplines que je connais personnellement comme l'immunologie et la neurobiologie. Les premiers contrats, les premiers appels thématiques en immuno, en neurobio en 2005 étaient relativement peu thématisés, c'est-à-dire en gros tous les gens qui faisaient quelque chose dans ces deux domaines pouvaient demander de l'argent. Maintenant, dans ces deux domaines, il existe toujours une thématique immuno, toujours une thématique neurobio, mais on ne peut plus demander d'argent que si on dit pour quelle maladie on travaille. C'est-à-dire, on ne peut plus dire « je fais de la recherche cognitive, simplement j'essaie de comprendre comment fonctionne ce système ». On est forcé de faire des demandes dans les appels blancs. Et concernant l'évaluation que vous avez faite, M. Lenclut, du fait que quand il y a beaucoup de gens qui demandent quelque part, ça signifie sans doute qu'il y a un accord. Dans mon domaine, ça signifie simplement que les gens considèrent que c'est plus facile d'obtenir de l'argent là que dans un appel blanc. Si je travaille sur une pathologie qui a un rapport avec l'immuno, je demanderai là parce que je sais que ce sera plus dur si je demande au niveau d'un appel blanc. Donc, l'orientation vers les applications médicales et pharmaceutiques, ça, il n'y a aucun doute qu'il y ait une pression vers ça. Maintenant, j'aimerais en venir à la restructuration par l'Alliance des sciences de la vie. Alors, deux dates. Cette alliance a été préparée en mars 2008 par le fait que l'INSERM a été découpé en 8 instituts. Et puis, quelques mois après, c'est le CNRS qui a été découpé de la même façon. Et un an plus tard, avril 2009, a été créée l'Alliance nationale des sciences de la vie et de la santé, qui maintenant répond aux 12 sigles d'AVIESSAN. Et je pense que, quand je disais que j'étais un peu minoritaire dans mon milieu, parce que beaucoup de collègues m'apparaissent peu conscients de l'importance de ce qui est en train de se jouer, si c'est le cas, c'est en partie parce que le gouvernement fait absolument tout ce qu'il peut pour brouiller complètement le sens de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il annonce des choses qui sont exactement le contraire de ce qu'il fait. Par exemple, je me souviens très bien que Pécresse, quand elle a annoncé le découpage de l'INSERM en 8 instituts, disait que c'était pour augmenter la cohérence de l'INSERM. Pareil pour le CNRS. Et il y a des gens qui vont se demander, sûrement, s'il le dit, si quelqu'un qui a le pouvoir, etc., le dit, c'est que ça doit être quelque part vrai. Il se pose des questions. De la même façon, je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, est très orwellien. Quand il y avait ce mot d'or dans 1984, la liberté, c'est l'esclavage, je pense qu'il y a des gens qui devaient se demander, il doit y avoir, si les gens au pouvoir disent que la liberté, c'est l'esclavage, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison de le dire. Et puis, dans Orwell, c'est ce qu'il appelle la double pensée, c'est-à-dire se convaincre simultanément de deux choses qui sont totalement incompatibles, mais faire l'effort intellectuel de penser que les deux choses sont vraies. Et je pense que ce gouvernement est en train de faire ça avec nous. Sur l'Alliance des sciences de la vie, ils ont annoncé au départ que c'était une structure de coordination souple, sans aucun pouvoir, simplement pour que les gens puissent se parler, etc. On sentait très bien que c'était faux. Et depuis, c'est clairement pas le cas, mais il y a une interview de Sirota à la mi-décembre où il a redit ça. Sirota, pardon, c'est le directeur général, le président directeur général de l'INSERM et le président de l'Alliance. Et donc, il redit la même chose, alors que c'est évident que c'est absolument faux. Donc, moi, le décodage maintenant, la façon dont moi je lis les choses, je pense que l'Alliance des sciences de la vie a été mise en place pour préparer la formation d'un institut unique des sciences de la vie et de la santé qui sera contrôlé par le lobby médical et pour mettre à la disposition de la recherche pharmaceutique une partie de la recherche publique. Alors c'est une accusation assez grave que j'explicite. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi je le dis en étant certain? Le 26 octobre, il y a une réunion importante qui a eu lieu, pour nous, à l'Élysée, où Sarkozy a passé une demi-journée avec ce qu'il appelle le Conseil stratégique des industries de santé. C'est les 5 plus grosses industries pharmaceutiques françaises, Sanofi, Servier, etc. Eux-mêmes se nomment très modestement le G5. Et ils sont venus en annonçant à l'avance pourquoi ils venaient. Ils ont un site, on peut les voir. Donc ils ont dit, on y va. Et qu'est-ce qu'on va faire? On y va, premièrement, pour demander une réduction d'impôts supplémentaires. Il faut savoir qu'une boîte comme Sanofi, malgré la crise, au dernier bilan, a 20% d'augmentation de son bénéfice par rapport à la période équivalente. Donc, ils vont demander une réduction d'impôts supplémentaires, d'une part, et d'autre part, ils venaient pour expliquer à Sarkozy comment utiliser au mieux le grand emprunt pour financer la recherche publique en biologie, en disant des choses très précises, tel institut, etc. Il l'avait annoncé à l'avance, et dans les annonces qui ont eu lieu ensuite par Mme Pécresse, on a vu repris exactement les mêmes termes. Donc moi, je dis que l'AVIESSANT est une nouvelle structure de pilotage de la recherche en biologie en France, et que derrière cette alliance de façade entre les différents acteurs qui font de la biologie en France, j'ai oublié de le préciser, dedans il y a l'INSERM, le CNRS, la biologie du CEA, l'INRA, etc. Derrière cette alliance de façade, il y a une véritable alliance qui est l'alliance des grandes entreprises pharmaceutiques et du gouvernement. Si je dis ça, c'est que dans cette réunion, Sarkozy a dit exactement ce qu'il attendait, lui, de l'Alliance. Et je le cite précisément. Il a dit « L'Alliance doit aller vite vers une gouvernance opérationnelle intégrée. » Alors, c'est ça, une alliance souple. Hein. Il veut un boss et qui dise « doit aller vite vers une gouvernance opérationnelle intégrée. » Il ne l'a pas dit par hasard. Il insiste. Il dit « C'est une condition du succès. » De quoi ? De tous nos partenariats industriels. Donc de la valorisation de notre recherche et de notre croissance. Nous n'attendrons pas, nous ne céderons pas, parce que c'est l'intérêt de la France. Et Sirota, donc PDG de l'INSERM et président de l'Alliance, a déclaré au syndicat en novembre, un peu après, L'Alliance doit être l'agence de programmation de la recherche biomédicale. Le système a maintenant gagné en visibilité. L'Alliance prépare la programmation de la recherche. L'ANR la met en œuvre. Je ne sais pas si la direction de l'ANR est très d'accord avec ça, mais en tout cas, lui, il considère que c'est lui qui programme l'ensemble. Alors, parler d'une alliance. Et encore une fois, en décembre, il nous dit non, c'est juste un petit truc de rien du tout. Et il a dit aussi au syndicat que le plan stratégique de l'Alliance s'imposerait à l'Institut national des sciences biologiques, c'est-à-dire au département SDV du CNRS, et il espère au-delà à celui de la chimie. Donc, mais encore une fois, ça c'est ce qu'on peut glaner quand on gratte les informations, mais il y a plein de déclarations pour dire exactement le contraire, et pour que les gens disent, mais non, regarde, il n'a pas du tout l'intention de... Voilà. Maintenant, le fait que la recherche publique soit à la disposition des Big Pharma, ça encore c'est une accusation un peu qu'il faut étayer. Bon, donc j'ai dit dans quelle disposition d'esprit le G5 était venu à cette réunion du 26 octobre à l'Élysée. Il faut dire qu'au même moment, le contexte était que la principale de ces Big Pharma, Sanofi, avait annoncé un plan de licenciement de 20% de ses effectifs de chercheurs propres, c'est-à-dire 1200 personnes. Et le motif qui a été donné en interne à Sanofi, information que j'ai par des collègues CGT de Sanofi, ça n'a pas été clamé sur les toits, c'est que ça a coûté moins cher à Sanofi d'externaliser sa recherche dans le public que de la faire lui-même. Il suffisait de faire en sorte de se débrouiller pour qu'il y ait des laboratoires publics qui aient besoin de cet argent et ils pourraient l'externaliser. Ce n'était pas parce que Sanofi y est acculé pour des raisons financières. J'ai dit que c'est une société qui se porte bien. Et au même moment où ils vont réduire leurs efforts de recherche, ils vont continuer à toucher le crédit impôt recherche. L'assiette du crédit impôt recherche a été modifiée l'an dernier, ou il y a un an et demi, précisément pour les grandes entreprises. Avant, pour pouvoir le toucher, il fallait que le budget recherche augmente. Maintenant, c'est simplement le volume qu'on affecte à la recherche qui est pris en compte. Donc ça c'est tout bon pour les Big Pharma, même s'ils réduisent leur effort de recherche, ils continueront à avoir le crédit impôt recherche. Donc il y avait de quoi être un peu choqué. On se disait peut-être que la ministre de la recherche allait, puisqu'elle était là aussi à cette réunion, elle allait protester, dire d'autres choses. Alors elle a dit des choses, Valérie Pécresse, très intéressantes ce jour-là devant les dirigeants du G5. Une des questions qu'on peut se poser, c'est à quoi sert l'enseignement supérieur ? Ben voilà la réponse de Mme Pécresse. Vous aurez besoin de former ceux qui, depuis des années, ont mis leurs talents au service de vos entreprises, et notre enseignement supérieur sera au rendez-vous. J'en prends l'engagement devant vous. C'est sans doute ce qu'elle appelle l'autonomie. Alors, la version Pécresse de mutualiser les risques et privatiser les profits, ça donne... De plus en plus, les médicaments innovants que vous développerez et produirez auront été découverts par d'autres. Réussir ce transfert du capital intellectuel de nos scientifiques vers vos entreprises, c'est l'enjeu. Et sur la question de l'autonomie, pourquoi les universités doivent être autonomes, Pécresse ? Nous avons donné l'autonomie et les moyens à nos universités pour qu'elles puissent enfin être libres de nouer des partenariats, d'imaginer de nouveaux cursus et de vous accompagner dans cette révolution qu'est l'innovation ouverte. Ça, c'est le nouveau mot à la mode, innovation ouverte. C'est notamment ouverte sur l'utilisation de la recherche publique. Et quant au crédit impôt recherche, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait été, son assiette a été récemment modifiée de telle façon que maintenant, pour certains types d'investissements, le crédit impôt recherche peut atteindre 60% du fric qui est mis par les entreprises. Concrètement, vous investissez 100 euros et le fisc français vous en rembourse 60. Quelques jours plus tard, il y a eu un communiqué du ministère de la Recherche où elle se félicitait du fait que sur le site de l'ANR, désormais, il est possible de trouver des annonces, des appels d'offres faits directement par les Big Pharma pour la recherche publique. Donc, si vous cliquez ANR, vous allez chercher, et puis vous voyez que Sanofi fait une proposition précise. Alors, je peux vous dire, ça ne vous dira rien, mais pour dire que c'est concret, déterminant génétique des maladies à composants immuno-inflammatoires, eux, ça les intéresse, parce qu'ils se disent qu'il y a un créneau, mais ils n'ont pas envie de mettre du fric dedans. Donc, ils disent que ceux qui veulent travailler là-dessus peuvent nouer un contrat avec nous. Alors, c'est assez curieux comme contrat, parce que le montant n'est pas indiqué, à négocier. La durée, intéressante, 3 mois à 12 mois. C'est pour la recherche fondamentale. Hein. Bien sûr, il est, en ce qui concerne la publication, c'est marqué confidentiel entreprise. Tout ça, vous pouvez le trouver sur le site de l'ANR. Hein. Et cette politique de la recherche publique qui va travailler pour les big pharma est entérinée par quelqu'un comme Sirota, qui a fait une déclaration, un article dans les Échos du 15 novembre. Le titre de l'article, c'est « Demain, 20 à 30% de la recherche publique se fera en partenariat avec le secteur... » Pardon, 20 à 30% de la recherche privée se fera en partenariat avec le secteur public. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui lui est imposé. Et pour que ça marche, ça, il faut que les gens aient vraiment besoin d'y aller à la soupe, et donc il faut réduire les financements. Et c'est la politique qu'on vit actuellement de réduction d'une année sur l'autre des crédits qui viennent de l'INSERM et du CNRS. Y a des gens qui vont y aller. Hein. En ce qui concerne la biologie, les restructurations qui sont en cours, c'est-à-dire les restructurations en liaison avec le fonctionnement de l'ANR, les restructurations avec cette alliance sont clairement destinées au pilotage de la recherche, à la mise en place d'une politique ultralibérale, je ne vais pas vous faire un dessin, et sont également destinées à casser les structures qui pourraient s'opposer à cela, et en particulier l'alliance, elle est clairement destinée à tuer le CNRS. Dans un premier temps, on met les sciences de la vie complètement hors circuit. Visiblement, actuellement, les décisions concernant l'alliance se font sans les départements des sciences de la vie. Ici, dans l'Assemblée, il y a Didier Châtenay, que je vois, qui est membre du conseil scientifique du département des sciences de la vie, de l'Institut maintenant de la biologie santé du CNRS, et il pourra vous dire comment ça se passe, comment les conclusions de l'alliance tente d'être imposée au CNRS. Et je termine avec une grosse inquiétude de ma part, dans la mesure où cette politique marche. La communauté des biologistes n'est pas dressée comme un seul homme contre cette politique, loin de là. Et alors, si j'essaie de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles ça marche, d'abord, en ce qui concerne l'ANR, il y a une des raisons, c'est l'ambition. C'est-à-dire que parmi les gens qui ont applaudi à l'ANR, il y a un certain nombre de biologistes, jeunes chefs d'équipe, la quarantaine, dont certains étaient d'ailleurs actifs en 2004 avec Saumon la Recherche, et qui rêvaient d'un truc, c'est de remplacer les mandarins en place. Et les contrats permettent d'accélérer le turnover de remplacement des mandarins par des nouveaux mandarins. Donc certains sont contents pour ça. Il y en a qui ne sont pas de ce type-là, c'est simplement un manque de lucidité devant ce qui risque de se jouer comme déstructuration globale, et qui se disent simplement « Bon, jusqu'à présent, moi, je me débrouille, j'arrive à ruser avec le système ». Donc, bon, c'est pas si mal que ça. Puis même, il y a un certain plaisir à arriver à s'en sortir quand on voit que c'est difficile, que tout le monde s'en sort pas. Donc, d'autres, c'est simplement du réalisme. Bon, c'est là, maintenant, la nouvelle donne, c'est ça. Alors ça, qu'est-ce que je peux entendre ? La nouvelle donne, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut s'y adapter. Réalisme, y compris syndical. Et il y a des fois où... moi, j'ai vu des textes de collègues syndicalistes que j'aime bien, par ailleurs, que je ne veux pas dénoncer, mais avec lesquels j'exprime mon désaccord, qui, en gros, j'ai vu un texte d'eux où ils disaient, en gros, l'alliance, ça pourrait aller si les choses étaient plus transparentes, s'il y avait des élus, pas que des gens nommés, etc. Et pour moi, c'est à peu près comme si les Troyens... quand les Grecs leur envoyaient le cheval de Troie, disaient, vous savez, votre cheval, on a un peu des doutes, donc peut-être ce serait mieux si c'était nous qui le poussions à l'intérieur de la ville et pas vous. Voilà. Moi, j'ai un peu l'impression que la façon dont les syndicalistes, par rapport à l'alliance, se disent, bon, il faudrait essayer de voir ce qui peut être récupéré. Je pense personnellement que c'est une erreur. Et puis une dernière raison, c'est que pour nous, en sciences de la vie, la direction des sciences de la vie du CNRS est complètement à l'ouest, hein, n'existe plus. Et je pense que l'actuel directeur des sciences de la vie a été mis là, quelqu'un qui n'a aucun charisme pour ça. Et donc, dans ces conditions-là, les gens disent, bon, attends, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tienne un peu la barre. Et bon, ben voilà, si Rota tient la barre, il y a un chef. Il y a un chef, c'est bien qu'il y ait un chef. Ouais, ça, c'est ce genre de raisonnement. No comment, hein.